Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show avec Tom et Phil. Ce soir, nous sommes le jeudi 18 janvier 2018. Bonsoir, salut, bonsoir, mon cher Tom. Bonsoir Phil, bonne année encore. Voilà. Bonne année, bonne santé, ouais. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Et bonne galette aussi. Ouais, ça tu l'as renversé tout à l'heure. Il y en avait partout sur le carrelage. T'as fait une galette, t'as trop bu. Tom, je t'ai déjà dit, arrête de boire. Arrête, ça commence à se voir, même à la radio. On salue notre ami Eric Flynn de Radio Biz. Ouais, et nos amis de metal-invasion.fr le lundi soir. Oui, tous les lundis soirs, rediffusion du Rock for Show à partir de 20h. Ouh là là là là là. Mais qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, ce soir, nous allons recevoir un groupe que nous aimons particulièrement. KDD. KDD, et voilà, KDD, ce sont les pas initiales. KDO, pas non, cadeau, hein, KDD. Non, c'est KDD, mais on aura des KDO aussi à vous donner, des cadeaux. Hein, 06 81 01 28 34. Ça, c'est le numéro de téléphone où vous pouvez nous envoyer vos SMS non surtaxés, on vous le précise hein, quand même, parce qu'il y en a peut-être qui se posent encore des questions. Pourquoi donne-t-il un numéro en 06? Bah, parce que c'est notre standard à nous et vous pouvez nous envoyer vos petits messages. Vous pouvez même nous appeler ensuite. Et vous pouvez envoyer de l'argent, on vous empêche pas. Ah oui, alors ça, c'est sur mon compte. Alors, CCP numéro. Ça, c'est pour l'économie souterraine. Non, mais on peut envoyer de l'argent par téléphone. C'est vrai? Ouais. Bon, c'est pour ça, ils peuvent envoyer de l'argent au 06 80 01 28 34. Y a pas envoyez-moi de des bitcoins. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Ouais, enfin, entre autres, mais il y a autre chose, il n'y a pas que les bitcoins. Il y a plein de trucs qu'on peut envoyer, mais envoyez de l'argent si vous voulez. Bon, envoyez-moi de l'amour, envoyez-moi des bisous, envoyez-moi de la musique, envoyez-moi du son, envoyez-moi des bonnes vibes. Ouais, enfin, avec le premier titre qu'on a passé, on va pas envoyer de musique beaucoup pour l'instant avec cet artiste qui. Malheureusement, nous a quitté après 47. Année 46, excusez-moi. Elle est partie à 46 ans, c'est bien jeune hein, pour une artiste de talent. Ouais, et surtout que certains l'ont apprécié, même aimé, même adoré. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a à foutre là, mémé? Mais voilà. Il y en a qui ont mémé. Bah oui, Dolores nous a quittés. Dolores O'Riordan, chanteuse de The Cranberries. O'Riordan, t'as dit. Non, enfin bon, c'est pas grave. Zombie, c'était le titre emblématique du groupe, le titre qui les a fait découvrir au plus grand nombre. Tiré de l'album No Need to Argue, sorti en 1994 sur le label Highland. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Bah, elle était née en 1971 et elle est décédée le 15 janvier dernier. Voilà, à l'âge de 46 ans, c'était une chanteuse irlandaise puisque le groupe était également irlandais, les Cranberries. Et sur ce titre, elle parlait un petit peu de la guerre d'Irlande, enfin la guerre en Irlande, de ce qui s'y passait. Et c'était un magnifique clip. Très très beau clip où elle était toute en couleur or. Enfin, c'était les débuts aussi de MTV, il me semble, à cette époque-là. Et voilà, paix à son âme. Mais j'ai l'impression quand même que la musique est quand même assez maudite ces derniers temps. Parce qu'on apprend toutes les semaines, depuis quelques mois maintenant, des disparitions. Et pas seulement, parce que tout le monde disait oui, mais c'est normal, ce sont des gens qui ont beaucoup. User et abuser de choses tout au long de leur vie. Non, Iggy Pop est encore en vie. Voilà, Iggy Pop est toujours en vie. Et puis, quand même, 46 ans, c'est pas, voilà, c'est quand même jeune. Hein. Voilà. Et sachez que le groupe avait vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde. Voilà, de l'album No Need to Argue. On va passer maintenant à des choses beaucoup plus joyeuses, même si on aurait aimé rester un peu plus longtemps avec Dolores, qui était fort jolie, qui était brune, et puis voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Audrey Horn, sorti chez Napalm Records demain. Non, c'était la semaine dernière. Il dit n'importe quoi celui-là. C'était la semaine dernière, demain. Donc, la semaine dernière, mais demain. Le 12, pour ceux qui le 12 janvier. Savoir qu'on était le dernier. Et comme la semaine dernière, on était le 11, et ben, c'est pour ça que j'ai dit demain. Voilà. C'est du hard rock, ils se sont formés en 2002, ils nous viennent de Norvège. De Bergen, on avait fait un petit jeu de mots avec Niklos. Par contre, tu peux dire qu'ils sont pas demain, mais après-demain en concert au Petit Bain. Oui, avec le 20. Avec le groupe The New Roses. New Roses, exactement, le 20 au Petit Bain. Et pour les auditeurs de Metal Invasion, le concert est passé parce que c'était vendredi dernier. Voilà. Oui. Oui, effectivement. Il faut leur dire en même effectivement, temps. Effectivement. Il faut dire après-demain un concert. Ouais, c'est vrai. C'est mort. Je dois avouer que voilà, pour Saxon, par contre, vous allez pouvoir l'écouter. Et puis, vous pourrez aller les voir en concert, parce que les dates ne sont pas encore annoncées pour la France. Mais sachez que le nouvel album va bientôt sortir. Nous, on vous propose le titre éponyme et surtout le single, le premier single de cet album qui s'appelle Thunderbolt. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça sortira le 2 février. Ouais. Donc, vachement en avance quand même. Milicia Guard Silver Lining Music, c'est le label. C'est le 22e album du groupe. Il contient 12 titres. Le groupe s'est formé en 1977. J'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Dans ce temps-là, j'avais 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un peu la base de Metallica, Megadeth. Non, c'est pas la base. C'est eux qui se sont influencés. Hein, oui. Ils se sont influencés de Saxon. Surtout, ils sont à la base, ils sont les leaders de la New Wave of British Heavy Metal. Et ils ont influencé des groupes comme Metallica, Megadeth, Anthrax, Testament, Motley Crue, Pantera, Dream Theater et Sodom, pour ne citer que. Voilà. Ça te va? Oui, c'est ce que j'allais dire, mais... Ouais, non, j'avais pas envie que tu le dises. Ah bah, okay. Par contre, tu peux dire, quand on arrive en ville... On en est tenu pas. Allez, je te laisse faire en ville, puisque ce sont des Canadiens. Ouais, sorti chez SPV le 19 janvier prochain, c'est-à-dire demain. Yes! Si je ne m'abuse, avec leur titre Ego, sorti de l'album Pudding the Pavement. Ils sont formés en 1981... Quand j'aurai 20 ans en 2001, c'est eux. C'est, ils nous viennent du Canada, Toronto. Ils seront en concert le 25 janvier prochain. Février. Pourquoi je vais dire janvier? Parce que il n'est pas encore passé. Au Trabendo à Paris, à côté du Zénith, si vous voulez pas ça. Si vous savez où c'est, voilà. Ou si vous ne savez pas. Oui. Porte de Pantin. Voilà tout ça pour vous dire qu'on va suivre avec Arch Enemy, le groupe, pas le groupe français qui a mis un 3 à la place du E, mais le vrai groupe Arch Enemy. Ah non, ça c'est... Qui nous vient de Suède. Oui, voilà, c'est... C'est le vrai, c'est du bon quoi. C'est du couillu. C'est du burné avec chanteuse. C'est du guttural quoi. Avec chanteuse qui ressemble à un dinosaure en rage, un Tyrannosaurus Rex. Par contre, quand vous la voyez, joli tout plein. Ils ont fêté leur 23e année cette année avec leur album qui est sorti l'année dernière, au mois de septembre, à leur rentrée quoi. On a dû vous le faire découvrir au moment de la sortie. Ouais, mais il s'appelle comment? Will to Power. Exactement, et le titre que l'on va écouter, c'est La Course. The Race. Voilà. Sorti chez Century Media. Exactement, c'est du death mélodique. Ils seront en concert eux aussi, mais là c'est bien en janvier, ce sera le 23 au Bataclan avec Tribulation, Ginger et Wintersen. Exactement, donc 23. Non, on n'aura pas le temps de vous en repasser la semaine prochaine. Ah non, ça sera trop tard. Trop tard. Est-ce qu'on a des places, Phil? Non. Désolé, j'ai pas de place à vous offrir pour Arch Enemy. Par contre, les auditeurs de Metal Invasion, le concert c'est demain. On est lundi chez vous, le concert de Arch Enemy c'est demain. Voilà. Donc traînez pas, s'il reste encore des places, allez-y. Allez, on vous laisse en musique, on se avec retrouve Saxon. Tout de suite après, parce qu'on va recevoir les KDD. Ouais. On vous dira qui c'est, parce que je pense que ceux qui suivent savent de qui il s'agit, mais nous on vous dit KDD. Saxon en ville et. Arch Enemy! Done for you. Bon ben voilà. Ah, c'est déjà fini Bah ouais, alors Tom s'est encore planté, mais ça c'est pas grave, hein, parce que ça le faisait bien quand même. Donc on a commencé avec Anvil, on a continué avec Saxon. Les choux, ouais. Et on a terminé avec Arch Enemy. Et maintenant on écoute sa petite flèche. Yes, t'es sûr? Bah après Arch Enemy, on prend une... après un arc, on prend la flèche quoi. Oh là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Bon, KDD. Tu veux faire une acquisition? KDD, c'est bientôt KDD. Ouais, hein, c'est bientôt, ce sera juste après. Bon, alors Septic Flèche, Codex Omega, c'est le titre de l'album sorti chez Season of Mist le 1er septembre 2017. Et ils nous viennent en concert le 20 janvier. Oui, ils viennent de Grèce, donc ils viennent le 20 janvier avec Inquisition et Odius. Exact. Odius. Odius. Odius. Odius. Odius. Odius. Au Trabendo, oui, alors au départ c'était à la maroquinerie, ça a été déplacé au Trabendo parce que la maroquinerie est en travaux. De la Maroc, ils passent au Trabendo, ils sont motivés. Ouais. Ouais. Ils ferment, ils font tout le vestiaire dans les gradins de. je sais pas. Mais bon, voilà, on leur souhaite bon vent au Septic Flesh. S'ils remplissent la maroquinerie. Le Trabendo. Le Trabendo. Tu leur tires ton chapeau, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, ouais, bah, qu'est-ce pas. Que tu vas leur... Fais gaffe, c'est des Grecs, hein. Je sais pas, fais gaffe, hein. Tu passes de la maroquinerie qui fait 400 personnes au Trabendo qui en fait 700-800, ouais. Ouais. Donc, Et alors tu vont avoir froid, il va y avoir des courants d'air, c'est pas grave. Oh, celui-là, alors. Allez. J'ai rien contre... Bon, bah alors tais-toi si t'as rien non, contre. J'ai rien contre le groupe, c'est juste que la salle, elle va être vide, quoi. C'est pas grave, s'en fout, ça sera aéré. Ça sentira moins le fennec. Allez, on va passer à la suite avec des nouveautés, des belles nouveautés, puisqu'il s'agit de Manigance. Et leur dernier album, Machination. Sorti chez V-Record. Ouais, et le titre que je vous propose de découvrir, c'est Machination en un seul mot, alors que le titre de l'album, c'est Machination en deux mots. Ils sont malins, ces petits Manigance. Ah, de toute façon, ils sont toujours en train de manigancer des trucs, pas possible. Le 2 février, ça sort, mon cher Tom. C'est un cadeau. Oui. Merci. Ah, je te l'offre, c'est un cadeau, c'est pour toi. Ouais. Ils sont formés en 95. Qui ça? Manigance. Ah, d'accord. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, ils ont jamais de peau. Même s'ils viennent de peau. Tu sais pourquoi je dis ça? Toi, tu vas aller sur le pot de chambre. Hein, tu es en train de nous faire un gros caca, j'ai l'impression. Il faut pas que tu le fasses dans le salon. Ah, hein, ça y est. Compris? Allez, V-Record, c'est la maison de disques. Et donc, on les aura certainement en interview, hein, puisqu'ils étaient. Il y a un an déjà, tu te rends compte? Ils étaient au Paris Metal France Festival. Tu te rends compte? Ouais, je baisse la musique un peu derrière, j'ai mal aux oreilles. Parce que la semaine dernière. Certains sont se plaints de ne pas nous entendre. Il y a Ludo, David, tout ça. Ils ont dit: ouais, on vous entend pas, la musique est trop forte et tout ça. Qu'est-ce qu'il a encore foutu, Tom? Il a pas enlevé ses moufles. Je dis: si, si, il a fait ça sans les moufles. Mais avec les pieds cette fois-ci. Ouais, mais c'était bien d'entendre les groupes derrière. Ouais, ça aussi c'est bien. Comme ça on n'entend pas ta gueule quoi. Ouais, c'est pas faux non plus, c'est pas faux. Bon allez, on salue encore notre ami Eric Flynn de Radio Bzzz. Et on salue également Sydney de Metal-invasion.fr. Voilà. Donc après Manigance, eh bien, oui, on va passer. Ils seront au concert. Oui, voilà, ils seront peut-être. Il faut peut-être annoncer qu'ils seront au concert le 8 mars à Paris au Trabendo. Donc concert de Manigance à Paris, c'est presque un événement. Faut y aller. Ouais, mais là ils seront en première partie de Mirat. Ouais, en plus, et c'est une tournée plus la tournée en province. Oui. Donc c'est cool. Allez les voir, n'hésitez pas. Soutenez la scène française. Oui, parce que Manigance, c'est vraiment. De la scène française pour le coup, quoi. Ouais, et puis excellent, ça chante en français. En plus, vous pouvez chanter avec eux parce que vous comprenez les paroles. Les paroles sont pas contes du tout. L'album, alors attention, parce que tout le monde m'a demandé, ouais, comment est l'album? L'album est bien, ils font du Manigance. Bah, c'est normal, hein, c'est le groupe Manigance, donc ils font du Manigance. C'est très bien produit, bien évidemment. Les morceaux ne sont pas, vous allez pas vous les mettre en tête tout de suite. Hein. Il va falloir plusieurs écoutes. Avant de, on va dire, d'adopter cet album, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça va durer beaucoup plus longtemps sur votre platine, à mon avis, et dans vos oreilles. Donc voilà, à découvrir. On vous fait découvrir le titre éponyme ce soir, Machination, et on vous fera découvrir certainement d'autres titres d'ici le mois de février, puisqu'ils seront en tournée. Et puis quand on les aura en interview aussi. Oui, bien sûr, bien évidemment. Nous allons passer à la suite. Avec encore une nouveauté, il s'agit de Phil Campbell and the Bastard Sons. Alors, qui est Phil Campbell? Bah, tout le monde le sait, hein, c'était le guitariste de Motorhead, Feu Motorhead. Et il joue avec ses fils. Parce qu'il y a, quatre Campbell, donc c'est le clan Campbell. Elle est bonne celle-là, parce qu'avec Lemmy, c'était plutôt le clan Jack Daniels. Hein, avec un peu de chance, malheureusement, tu peux pas, parce que c'est pas en Écosse, mais tu aurais pu me dire, ils viennent du pays en plus. Non. Parce que le clan Campbell vient d'Écosse. Tout à fait. C'est du Royaume-Uni. Donc c'est Phil Campbell et ses enfants, et puis il y a à la batterie un qui n'est pas Campbell. L'album s'appelle. Il s'appelle comment ? The Edge of Absurdity. Complètement. Et le titre que je vous propose de découvrir Ring ce soir. Ring Leader. L'album fait 12 titres. Il sort chez Nuclear Blast le 26 janvier prochain. Bon, je vous ai déjà dit que c'était un quintet. Ils se sont formés en 2014 et ils nous viennent de Londres. Voilà. À Londres d'Éden. Non, à l'est d'Éden. À Londres du pommier en fleurs. Je ne sais plus. Et nous enchaînerons avec Magnum. Ça va glacer tout ça. Hein ? Attends, t'as perdu sur la route. Bah non, Magnum sur la route. Oh, t'as presque perdu sur la route de l'éternité. Oui. Lost on the road to eternity, c'est le titre de l'album de Magnum. Alors ils en sont alors sempiternel énième album. Et puis vous allez pouvoir manger des peaches et de la crème. Hein, peaches and cream pour du Magnum. C'est pas mal, moi je trouve. Ils ont de l'humour quand même. Hein. Ça sort quand ? Ça sort demain ? Ça sort demain, oui. Hein, chez SPV. Et l'album fait 11 titres. C'est du hard rock classique, hein, comme ce que nous faisait Magnum dans le temps. Ils n'ont pas changé d'un iota. Le groupe s'est formé en 1972 en Angleterre, à Walsall. Et franchement, l'album est sympa. Voilà, ça se laisse écouter. Et d'ailleurs, bah, on va vous laisser l'écouter, mais on va commencer d'abord avec Manigance. On partira ensuite avec... Phil Campbell, et on finira avec Magnum. On se retrouve tout de suite après, 06 81 01 28 34. Si vous voulez nous laisser vos petits messages, en tout cas, on fait un grand coucou à Chris qui nous a envoyé un petit message. Hein ? Ouais. Ouais, toi, tu salut, fais pas... Chris. Ah, voilà, j'attendais que tu lui fasses un petit coucou. J'ai fait même une bise, tu vois. Tu lui fais une bise ? Et deux. Sur sa petite moustache ? Ouais. Bon, hé, hey, Chris, t'es avec heureux ? Avec sa carpette. Il y a Tom, il te fait une bise sur la moustache. C'est sûr qu'il. Non, ouais, moi, je suis juste sur les deux joues, mais les deux joues d'en haut, hein, pas les deux joues d'en bas. Allez, à tout à l'heure. Marcher vers l'inconnu. une machination. L'humanité déchaîne les passions. Machination. Nous sommes le fruit d'une machination. L'humanité déchaîne les passions. Nous sommes le fruit d'une machination. retour dans les studios. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Folk Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, mon cher Tom. Et le lundi soir de 20h à 22h sur metal-invasion.fr. Et là, on est sur Radio Québec. Ouais, Radio Biz, tenu par monsieur Eric Flynn. Ouais, et Metal Invasion, tenu par monsieur Sidney. Voilà. Voilà, nous l'avons fait, nous l'avons dit, nous l'avons presque chanté. Normalement, entre Paris et Sydney, il y a 9 heures de décalage, mais il y a 5 jours. Tu m'étonnes. Fond sonore. Fond sonore. Bah, faudrait peut-être que t'acceptes un petit peu. Hein. Tiré de l'album The Rise of the Chaos. Of the Chaos. Of Chaos. Même il n'y a pas de The, de Z. Il y a non, c'est Rise of Chaos. Sorti chez Nuclear Blast le 4 juillet, le août dernier. Ça date. Non, il est mort. C'est un quintet de heavy metal. Ils sont formés en 1968. Ils sont toujours en vie. Oui, toujours. Ouais. D'ailleurs, bien, ils sont en concert le 1er février prochain à l'Élysée Montmartre. Avec Night Demon, le jeudi 1er février. Voilà. Yes! Donc on n'y sera pas parce qu'on a radio jeudi. Ouais, donc on enregistrera, on vous le dit, on enregistrera l'émission le mercredi pour vous la diffuser en direct le jeudi. Voilà. Donc vous pouvez nous appeler quand même parce qu'on aura le téléphone avec nous au concert d'Accept. Mais ouais. Parce que vu que c'est un numéro en 06 pour les Français, oui, c'est, on c'est l'aura, un téléphone on l'aura. Portable, donc ouais. Il est mobile. C'est ça. Et toi, tu es Playmobil. Nous allons partir avec KDD maintenant, tout de suite, sans plus attendre. Nous allons retrouver loin là-bas, dans le pays d'autrefois. Et dans plein champ, quoi, je crois. En plein dans le champ. Ouais. Hein. Allez. Ouais. Coucou, mon cher Laurent, comment vas-tu? Bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Eh ben ouais, tout à fait. Salut Tom, salut Philippe, toute l'équipe, les auditeurs, et puis voilà, tous les fans. Donc bonsoir, bonne année, santé, bonheur, famille, un peu de pognon et puis tout va bien. Et un peu de métal quand même. Hein. Ouais, mais pas un peu de pognon, hein, beaucoup. Beaucoup, ah bon, d'accord. Et pas de métal, de l'or, s'il te plaît. Ouais, de l'or, hein, du métal en or, surtout. Hein. Alors, il paraît que vous avez sorti une double galette, ou ça s'appelle aussi un double, comment on appelle ça, un sous-boc, hein, parce qu'il y en a qui les utilisent comme sous-boc. C'est le nouveau Cosdal Division, qui s'appelle Memories. Oui. Alors, parle-nous un petit peu, débrief-nous un petit peu, que va-t-on trouver dans ce magnifique digipack? Eh ben donc 27 titres avec pas mal de featuring, donc il y a plein de chanteurs. Alors c'est, je sais pas si je commence à tous les citer parce qu'on en a jusqu'à minuit, mais ben, il y en a au moins 27. Il y en a au moins 27, hein. Et puis donc c'est très très varié en style, donc on va trouver du heavy, du thrash, du death, du brutus, du un peu plus rock. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, les voix pareil, c'est très varié, des voix lyriques, des voix d'ours, de grizzly, de tout ce que tu veux. Bon, il y a de tout, il y a de tout, du chant français, du chant anglais, il y a aussi une fille qui chante, donc voilà. C'est qui Ouais, mais c'est une fille qui chante avec une voix de mec. Non, non, voilà, c'est pas vrai. Voilà, on peut dire ça, ouais. Mais il y a aussi des mecs qui chantent avec une voix de mec. Voilà, c'est ça. Oh, c'est très varié, mais pas avarié. Hein. C'est le nouveau voilà. Cosdal Division. Il est dans votre boucherie. Il est déjà sorti, hein. C'était le 12. Le 12, janvier. Le 12, exactement, tu sors. Le 12. Hein. Ah, dans tous les bacs et les magasins. Tout à fait. Digital et tout le bazar, quoi. Et c'est une distribution Season of Mist. Oui. Normalement, vous deviez faire une release party au Dr. Feelgood. Qu'en est-il ? Y aura-t-il quand même une release bientôt ? Bah, bon, je vais pas dire bientôt, non, parce que bon, ça, personnellement, ça m'a un petit peu calmé. Ça m'a un petit peu. J'étais très déçu de tout ça. Donc, on a envie d'en faire une, mais bon, je vous avouerai que c'est pas pour l'instant une priorité. Ça m'a un peu affecté. Mais viens la faire ici, la release party. Ouais, viens la faire chez nous. On l'a fait ici dans le studio. Bah, avec plaisir, bah oui. Bah, 300 personnes. Avec plaisir. Hein. Bon, bah écoute, on va réserver la fontaine. Hein. Tout le monde sera autour de la fontaine et nous, on mettra du son à l'étage. Hein, on fera bah, ça, oui, Tom. Un petit... Ouais. Et puis il fera beau, donc tout le monde sera. Ouais, on va le faire quand il va faire beau, donc on va attendre. Tout le monde sera en train de se baigner dans la fontaine. On va attendre. 20 degrés, on bouge pas, nous. Voilà, Causal Division Memories, c'est le titre du nouvel album, donc un double digipack. Avec... D'où est venue l'idée de faire un double digipack? Parce que, quand même, vous êtes. Enfin, on peut dire vous. C'est un trio, en fait, à la base, Causal Division. Ouais, voilà, bon, après, on devait faire qu'un CD qui était bien rempli, on était un peu limite, et puis, bah, en fait, moi, j'avais oublié un titre qu'on avait filé à l'un des featuring, et puis, bah, quand il s'est pointé avec son titre, et ben, on était obligé de faire le deuxième, et donc, je me suis un peu empressé de faire pas mal de titres qui sont à la fin de l'album, où je me suis un peu mis plus en avant sur les voix. Et puis, en fait, ça s'est fait un petit peu tout seul, naturellement. Et donc, on a pu combler le vide. Et puis, en fait, c'est un mal pour un bien, quoi. Alors, on retrouve tout un tas de gens que l'on aime. Hein, puisque ce soir, on va vous passer deux titres. On vous a déjà passé le titre, justement, avec la chanteuse. C'était la semaine dernière. Et puis, on vous l'avait passé en avant-première au mois de... c'était en 2017, je crois que c'était au mois de novembre, il me semble, que tu nous l'avais envoyé. Ouais, ça se peut, ouais. Ah. Et ce soir, eh ben, on va passer le titre avec Max Otero de Merciless. Eh oui, donc Max, comme toujours, égal à lui-même, hein, la grosse voix, très pro, unique, on va dire, en France, ce type de voix, de style, donc on le reconnaît quand même assez facilement, et puis voilà, c'est... sans compromis. Il y a une petite partie un peu mélodique au milieu où il n'y a pas de chant, mais bon, ça fait une petite respiration sympa. Et puis voilà, on va dire que moi j'aime bien. J'aime bien Max, il a une voix énorme et voilà, ça fait plaisir de l'entendre sur une musique que j'ai faite. Donc voilà. Très bien, alors on va l'écouter, c'est Sacrificial of Right. Et on se retrouve tout de suite après avec Laurent au micro pour nous débriefer un petit peu ce nouveau Causal Division qui se nomme Memories. Mon cher Tom, as-tu enlevé tes moufles? Vas-tu pouvoir lancer le titre? Oh, c'est parti! À tout à l'heure! Oh là là, je m'éclipse! Destiny. Sacrificial of Right avec Max Otero de Merciless. C'était un extrait de Coastal Division tiré de l'album Memories, le deuxième album du groupe. Eh, c'est quand même bien, Lolo. Hein, dis-moi, il y a plein d'auditeurs qui te passent le bonjour et on va te passer celui de Monsieur Sharky, à qui on fait les grosses bises. Sharky Pascal Landais, donc bah oui, hein, qui a fait un titre avec nous, qui a fait même la compo, qui a fait la batterie, qui a fait la structure de la compo, et puis voilà, on a passé un super bon moment ensemble, par Messenger, par mail, mais ça a été... Voilà, je pense une réussite. On est fiers de notre morceau et je lui fais une grosse bise. Ouais, mais tu m'as dit pas sur la bouche, hein. Ouais, pas sur la bouche. Hein. Faut pas exagérer, hein. Allez, on va revenir dans la genèse un petit peu de Coastal Division, puisque le groupe s'est formé, enfin, oui, on peut dire que ça s'est formé en 2016. Hein. Ouais, c'est ça. C'est hier, hein, on va dire. C'est ça. C'est tout jeune. On est encore dedans, hein, dans cette genèse, on est voilà, c'est tout jeune, tout neuf, peut-être pas le bonhomme, mais le projet, oui. Donc... Et puis voilà, donc c'est des amis, des talents, on se prend pas la tête, on se fait plaisir, c'est pour une seule passion, le métal. Varié, quoi, diversifié, un peu tous les styles, toutes les voix, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est que bénef, quoi. On n'oublie personne. On essaye de penser à tous les styles et de s'amuser avec ça en faisant un peu de création, même si on n'a peut-être rien inventé. Mais le concept me paraît plutôt original, après. Bah disons que ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouve tous les gens de la scène française, et c'est vrai que ça va dans tous les styles, hein, puisque on retrouve death metal, du thrash metal, du rock même, de la, on peut dire aussi du hard rock basique, puisque on va en entendre avec Olivier Delval et Philippe Godalino, qui ont signé aussi un titre sur cet album. Qui s'appelle Fight or Die, c'est le prochain titre qu'on écoutera. Et ils sont issus de la nouvelle mouture de Blasphème d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un titre super mélodique et très hard rock. Donc ça va surprendre par rapport à ce que l'on vient d'écouter et par rapport à ce que l'on a écouté aussi la semaine dernière, puisque cet album, comme on vous l'a dit, 27 titres super variés. Qui retrouve-t-on encore sur cet album ? Eh ben écoute, le fameux Sharky qui est dans vos locaux. Non, il est pas dans nos locaux, mais il est derrière son poste de radio et il écoute. Ah pardon. Voilà. Eh ben voilà, donc Sharky qui a fait on a fait un morceau, on va dire heavy. Il y a Alex Kolatoken, donc d'Agressor, qui a fait un titre avec nous plutôt black death, un peu voilà black death, on va dire. Il y a Moreno et Warzy qui ont fait, donc ils ont enregistré au Japon, donc c'est plutôt du death un peu traditionnel. Il y a en kimono alors. Sly Berkey qui a fait un trash aussi. Moi j'ai fait un peu de tout. Il y a notre filter national, hein, donc le premier chanteur de No Return qui nous a fait un titre exceptionnel et très surprenant par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc c'est des voix claires, très prenantes, qui tirissent les poils sur le bras, quoi. Donc ça, c'est la surprise. Mais il y en a d'autres, on va dire. Il y a aussi Crass qui a fait deux titres. De Crusher. Crusher, oui. Qui c'est qu'on n'a pas cité? Tanguy et Eric Forrest. Donc Eric Forrest, D-Force, ex-Voivode, basse-chant. Et Tanguy de Fink, ex No Return, donc eux, ils ont fait un titre vraiment sympa. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a Eric Barada qui a fait de la gratte aussi sur un titre avec de belles mélodies. Il y a Phil Dubreuil qui nous a fait un titre énorme avec des voix vraiment bien placées, bien sympas, avec un grain un peu original. Benoît Laurence qui nous a fait un titre, lui une voix de d'outre-tombe, et Laurent Ouais avec des solos un peu à la Slayer. Il y a Jean-François Rey, bon là on en a pour 1h du matin. Hein, c'est... Non mais c'est pas grave, il faut les citer parce que c'est quand même intéressant. Jean-François Rey, ex-DAB Gurtas qui nous a fait une voix un peu à la Motorhead, un peu sourde, grave. qui c'est qu'il y a que j'oublie pas, c'est pas évident, hein, parce qu'il y a Claude de Lunatic Power qui joue aussi la basse avec Fink. Donc sur Blancin, un type qui fait une envoie aiguë claire, donc vraiment sympa aussi. Et puis voilà, après il y a des deux trois autres qui viennent faire des petits solos, des petits chœurs. Il y a Greg Lambert qui fait aussi un bon solo sur Valley of Flappers de que je chante, et c'est voilà, donc tous ces mecs là réunis, bah ça fait ça quoi, ça fait le Memories de Cosdal. On va dire Cosdal, c'est tous ces mecs là. Alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que en moins d'un an, hein, parce que ça s'est fait en moins d'un an, vous sortez deux albums, quoi. Trois galettes. 27 et 15, ouais, c'est à peu près ça. Ouais, ça fait à peu près ça. Donc ça veut dire que l'année prochaine, à la même époque, parce qu'on avait fait une interview l'année dernière. Je vais me calmer, là. Ah bon, non, jamais 203, attention, hein, jamais 203. Remarque, c'est vrai que ça fait déjà trois albums, puisqu'il y en a deux dans ce ouais, nouveau Cosdal Division. Ouais, mais ça fait un fils, des jumeaux. C'est pas faux. Toute la famille Cosdal. Voilà. Alors présente-nous tes autres petits camarades qui sont avec toi, les deux autres camarades de jeu. Alors en fait, donc il y a Vince qui a fait quelques voix sur deux trois titres, hein, parce que bon, à la base il est pas chanteur, donc il y va tout doucement parce que voilà, il apprend, il essaye. Donc là il a fait des petites voix où il se sentait bien. Sinon, il a fait 6-7 titres, il a fait les textes. Il a donné aussi son avis sur la Toarc, sur le style, et voilà, hein, il est à plein temps avec Cosdal. Et puis Chris, donc qui est du groupe Dresd aussi, qui lui a fait la basse pour 10-15 titres et qui a aussi donné son avis sur quelques titres. Bon, là maintenant il est plus avec nous parce qu'il est un peu débordé par le travail. Voilà, donc ça a été un beau partage de toute façon, et ça s'est fait en effet très rapidement. Alors maintenant on a l'album. Il y avait la release qui a été avortée en rappelant. Ouais, malheureusement. Ouais. Ah oui, malheureusement, oui, parce que nous on s'était bien préparé pour ça, puis on devait faire l'interview en corrélation. Alors ce qu'il faut expliquer quand même, c'est que le Dr Feelgood a été interdit de. C'est pris une mesure administrative. Oui, c'est une mesure administrative, et ils vont faire quelques travaux, mais ça va demander un petit peu de temps, à mon avis. Et après, ils pourront peut-être à nouveau refaire des sessions live, mais pour l'occasion, c'est avorté. Parlons quand même de la scène. Est-ce que vous allez prolonger le projet Cosdal Division, et est-ce qu'on va pouvoir avoir le plaisir de vous voir sur scène? Moi, justement, avec cette release, on avait moyen de faire 2-3 titres hein, live. Ça nous mettait un peu le pied à l'étrier. Moi, ça me branche fortement. Mais bon, comme tu sais, faut avoir donc du temps pour répéter, puis avoir les musiciens qui soient disponibles, et ce qui n'était pas le cas. Donc, si on a des musiciens qui suivent et qui si on voit vraiment qu'il y a quelque chose à amorcer, moi, je suis partant pour faire 2-3 dates. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, pas des trucs à 2 balles, hein, parce que moi, c'est... ça c'est bien quand t'as 20 ans, mais là, voilà. Donc, puis répéter, passer plein de temps à répéter tout ça pour j'ai envie de... Faut que ça reste un plaisir, donc me défoncer en répète et vraiment retravailler à fond, oui, à condition que ce soit pour quelque chose de plutôt sympa, un peu valorisant. Donc, moi, ça me donne envie, mais pour te dire, ça va pas être dans les 3-4 mois qui viennent, puisque, bon... On est sur d'autres projets aussi, mais voilà, ça me brancherait bien de le faire, en effet. Mais ça se fera un jour ou un autre, mais quand, je suis incapable de le dire. Bon, en tout cas, t'hésites pas, dès que tu as des nouveautés, enfin des news à ce propos, ben, tu nous fais signe, et nous, on relaiera l'information, n'est-ce pas, mon cher Tom ? Oui, ben, surtout qu'on attend, quoi. J'ai envie de voir le projet Cosdal Division, tel le bal des enragés, et l'autre que j'ai oublié, que je ne sais jamais citer, qui fait partie de... pas l'hurlement des hommes, mais l'autre. Oui, c'est bien, Tom. Voilà, t'as compris. Mais le projet, enfin le collectif, j'ai envie de voir. Ouais, non, mais c'est. Moi, j'ai vraiment envie, quoi. C'est. Alors moi, peut-être pas à la guitare, parce qu'à autant à la guitare, moi, je m'en sers surtout pour composer. Bon, quand t'enregistres chez toi, c'est plus simple. Mais ce serait plutôt à la voix, où là, je me sens plutôt à l'aise sur scène, j'ai moins de travail à faire, à fournir pour monter sur scène au chant. Qu'à la guitare, je vais ce que dans le chute. Donc, je préfère prendre deux guitaristes qui ont le niveau, qui ont l'habitude. Ouais, non, il ne faut pas que t'en chies à la guitare, hein, parce que ça voudrait dire que tu joues dans les chiottes, et nous, non, on veut te voir sur scène. Hein. Sur scène, je ferais peut-être un son de chiottes. Non, je préfère un son d'outre-tombe, c'est pas mal. En tout cas, là, le titre que l'on va écouter, le son n'est pas du tout d'outre-tombe. Il est bien hard rock, puisqu'il s'agit de Fight or Die, avec Monsieur Philippe Guadagnino, bassiste de Blasphème, et Monsieur Olivier Delval, chanteur de Blasphème, mais également de Shannon. Il a fait Face to Face, il a fait pas mal de choses. Et il continue à faire des choses avec d'autres groupes. Un très très bon ami et un très bon chanteur. Voilà, donc ça nous fait plaisir aussi de les retrouver sur ce type. Comment tu les as rencontrés? Enfin, comment ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'ils ont accepté tout de suite le projet? Ou est-ce qu'il a fallu les travailler un petit peu au corps? Non, alors en fait, comme pour le premier album, rien ne s'est fait... dans la douleur. Ouais, voilà, tout s'est fait naturellement. Et c'est d'ailleurs très surprenant, mais... Phil, il a dit OK tout de suite, quoi. Alors je sais pas, je sais pas comment je me démerde, mais enfin ça s'est super bien passé. Pour même préciser les choses, il y a aucune rémunération qui se fait, hein, avec tous. Hein. C'est vraiment chacun participe vraiment pour le plaisir. C'est pas quelque chose de lucratif, quoi, hein. C'est vraiment pour le fun. Un truc sympa, quoi. Uniquement pour le fun. Bon, en tout cas... Bah, s'il y a Rob Halford qui vient, peut-être que je me lâcherai un billet, mais... Ah. Alors là, tu me préviens, parce qu'à ce moment-là, on descendra, on viendra filmer. On a peut-être quelqu'un qui est bon, qui est pas comme Rob, mais qui n'est pas très loin, qui pourrait éventuellement faire un titre. Oui. Ah, bon, bah, affaire à suivre, en tout cas... Un très, très grand chanteur, enfin, il l'était, peut-être que maintenant, il s'est un peu essoufflé, et puis un peu... un peu écarté de ce qu'il savait vraiment faire techniquement et voilà, mais bon, c'est quelqu'un qui a eu un gros talent, et je pense qu'il en a encore un peu, mais que c'est un peu caché, dans un peu voilé derrière je sais pas quoi, mais c'est voilà, je pense qu'il y a des choses encore à dire. Très bien. Bon, nous, on sait que Causal Division n'est pas venu les mains vides. Il nous a envoyé un album à faire gagner ce soir. Et donc, on va vous le faire gagner au 06 81 01 28 34. Merci, Tom. Je pensais que tu étais parti t'endormir. Non, mais il y a une question. Oui, il y a une question. De quelle origine est le groupe Causal Division? C'est simple, c'est très simple. Hein. Et combien d'albums ils ont sorti? Voilà, ça, c'est bien. Alors là, il y a une question piège, parce que nous, on veut le nombre d'albums total. De galettes. On veut combien de galettes ils ont sorti? Bah oui, ça, c'est les rois, là. Il y a combien de fèves? Il y a combien de fèves? Non, ouais, ça aussi. Hein, c'est... Enfin, en tout cas, Causal Division à la couronne. Moi, je te le dis, hein, en ce moment. Ah là, ouais, c'est sympa, ça. Hein, c'est l'album du mois, là, on peut le dire. C'est l'album référence du mois. Hein, bientôt, tu sais que ça sera Chandler, quoi. Ça va être... On fera sauter les crêpes avec Causal Division. Non, mais Causal Division nous revient l'année prochaine, au mois de janvier, hein, avec un nouvel album. On l'annonce ici dans le Rock for Show. Il y aura combien de bouteilles de cidre? Je sais pas, mais c'est le scoop de ce soir. Tu mets la pression, hein. Ah bah oui, non, mais là, tu nous as déjà dit qu'il y avait un chanteur potentiellement qui a encore des choses à dire et tout ça. Donc voilà, bah, nous, on se dit qu'il y a déjà un titre de prêt. Rien de fait, allez, je vous achète un nom. Il n'y a rien de fait. Non, mais t'as trop parlé. Laurent, tu as trop parlé. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Laurent, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps et d'avoir voulu nous parler de Causal Division. L'album s'appelle Memories. On vous le rappelle, ça sort chez Season of Mist. C'est sorti chez Season of Mist depuis vendredi dernier, le 12. Et on va vous laisser avec Fight or Die, avec Philippe Guadagnino et Olivier Delval, qui vont vous interpréter ce titre. Et tout de suite après, vous aurez quelque chose qui va changer un petit peu. Hein, On va aller dans le blues, avec Monsieur Papa Shubi, qui nous a sorti un magnifique album qui s'appelle Two Dogs. Et c'est Rescue Me que je vous propose de découvrir ce soir. L'album est sorti le 27 octobre dernier chez Vericor. Et surtout, il y a des places de concert à gagner sur toute la tournée de Monsieur Popachoubi. Alors, on va vous donner les dates. Hein. Ça commence le 25 janvier à Colmar, au Grienne. Donc, vous pouvez nous appeler et réserver votre place au 06 81 01 28 34. Il y a également la date du 26 janvier. À Lyon. Oui. Au Transborder. Exactement. Et le 28 janvier également à Reims, là où il y a du champagne. Salle Rossini. Exactement. Vous pourrez également les voir à Nice. Lino Ventura, la salle, hein, pas l'artiste. Non, parce que lui, il est mort. Hein. Sinon, vous allez dans sa tombe, c'est un peu dommage. Ce sera le 30 janvier. Et enfin... Ah non, il y a encore deux dates. Le 31 au Bataclan à Paris et le 1er février au Magic Mirror au Havre. Voilà, le Magic Mirror au Havre. D'où vient notre cher ami c'est le Premier ministre, hein, c'est ça, qui vient du Havre ? Édouard. Non, Philippe. C'est Philippe. Je sais plus. Édouard. Je sais plus. Édouard, s'il vous plaît, balancez-nous un petit peu de Causdal Division dans les oreilles, s'il vous plaît, maintenant, tout de suite, sans plus attendre, c'est parti. Yeah. Sauf que moi, c'est Tom. Victory ready another way. If it tastes like sugar, then it must be sweet. If it tastes like honey, it got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, it got to come from the sea now. Ain't no illusion, no way, no how, it come to me. If it feel like love, if it feel like love. You got to rescue me. If you feel like running, don't you run away. If you feel like talking, I wanna hear what you say. If you feel like going on, baby, to all of your friends, just remember life is short. What you get back in the end. If it feel like love, if it feel like love, if it feel like love, rescue me. You got to rescue me. If it tastes like sugar, then it sure is sweet. If it tastes like honey, got to come from the bee. If it feels like a tidal wave, got to come from the sea. If it feels like love now, baby, bring your love right home to me. Retour dans le studio du Rock for Show, diffusé par Radio Biz. Poum poum pas. Bon, lui là-bas, il suit pas. Il est parti dans son poum poum pas. Il est parti avec Popa. Metal-invasion.fr. Voilà, ça c'est pour le lundi. 20h, 22h. Allez, Popa Choubi, j'espère que ça vous a plu après Cosdal Division. Un petit peu de blues, ça n'a jamais fait de mal à personne, surtout quand c'est joué aussi bien. On vous rappelle les dates. Le 25 janvier à Colmar, le 26 à Lyon, le 28 à Reims, le 30 à Nice et le 31 à Paris. Et enfin, le 1er février au Havre. Paris, c'est presque complet, vous pouvez encore aller au Havre, c'est pas très loin là. Ou alors, c'est pas très loin. Nice non plus, hein, quand on Reims, a un avion. Reims. Ta baignoire, oui. C'est pas mal aussi, Reims, c'est tout proche. Hein. Non, en tout cas, sachez qu'il y a déjà une place qui a été gagnée et raflée par Maxime. Voilà, on le cite, Maxime, qui a gagné sa place pour aller voir Popa Choubi au Bataclan. Voilà, on est très fiers hein, d'avoir un partenariat avec Popa Choubi et Vericord, qui nous a donc donné toutes ces places. Sachez que le Cosdal Division est toujours en en lice pour être gagné, le dernier album de Causal Division qui s'appelle Memories. Allez, car paye, nous n'avons paye, pas eu une question, enfin une réponse complète de la part de nos auditeurs qui nous ont balancé des réponses. Ouais. Alors la question c'était combien de galettes a sorti. C'est combien de galettes a sorti le groupe Causal Division. Et d'où viennent-ils. Voilà. Donc sinon vous payez vos galettes. Après, bon, envoyez déjà vos bouteilles, hein, ce sera ouais, sympa. Les bolets de cidre, ça va voler, quoi. Rockforshow, @... Rockforshow ouais, sur Facebook. Faudrait qu'on leur donne ton imprimante en 3D, comme ça les bouteilles vont arriver directement, non. Ah ouais. Mais le problème, c'est que le liquide, l'imprimante, j'ai pas appris. Ah, t'as pas le liquide. Ah, c'est dommage. Non, mais ils peuvent envoyer en Codissimo et compagnie, quoi, si tu veux. C'est bon, ça, c'est faisable, ça. Allez. On va passer à la suite de la programmation et on va vous dire déjà ce qu'il y a en fond sonore. Le groupe s'appelle Malmort, vous l'avez tous reconnu. Il faisait partie du best-of des CD 2017. Ouais, ils ont triché un petit peu le groupe. Hein. Oui, parce qu'ils avaient sorti l'album en 2016, mais il a été ressorti en 2017. Donc bon. Il a été réédité par l'album parce qu'ils étaient en. Ils étaient en autoprod d'abord et après c'était un label. Là, maintenant ils sont sous label. Voilà. Avec leur album, il s'appelle Baltrap. Voilà. Très bon album de hard rock. Ils seront en concert le 3 février prochain à Bagnolet, à l'espace Denis Hooper. Ouais, et je pense qu'on aura certainement des places à vous faire gagner. C'est ça, on pourra ou pas? Attends, c'est quand est-ce que tu m'as dit que c'était? C'est le 3 février. Oui, je pense qu'on aura la semaine prochaine certainement des places à vous faire gagner pour le concert de Malmort. Il suffit qu'on en parle avec eux. Voilà. Nous allons continuer avec une grosse nouveauté. La grosse nouveauté, c'est Cynic. Cynic qui nous sort son nouvel album, Quintet de Death Progressif, sorti chez Season of Mist. Ça sort, on est le combien aujourd'hui? Non, c'est sorti déjà, c'était le 16 janvier. C'était donc mardi. C'est sorti avant-hier, voilà. Ouais, mardi. Et l'album, bah, je ne sais pas comment il s'appelle l'album. Par contre, le titre qu'on va vous passer ce soir s'appelle Humanoid. Le groupe s'est formé en 1987. Ils se sont séparés en 2015, reformés, et maintenant, ils nous viennent des États-Unis, de Miami exactement, là où les cyclones passent en ce moment, d'ailleurs. Hein, où ils sont passés il n'y a pas très longtemps. C'est ça? Ouais, j'en fous. Ils passent régulièrement là-bas en même temps. En même temps, je voudrais saluer tous les gens de La Réunion qui en ce moment se tapent Birgitta, hein, en plein dans la tronche. Et puis alors je regarde en même temps les SMS qui tombent sur les téléscripteurs, sur mon Minitel portatif. Je regarde tous les SMS qui nous sont envoyés pour gagner des places. Je crois que au Québec ils disent GSM, Phil. GSM, d'accord, sur mon GSM, donc pas mon Minitel portatif. Nous enchaînons après Cynic par 36 Crazy Fits, Better to Burn, c'est le titre du morceau que je vous propose de découvrir de l'album Lanterns, sorti le 29 septembre dernier chez Spinefarm. L'album contient 12 titres, c'est un quintet de metalcore formé en 1994 aux États-Unis à Anchorage exactement. Ils seront en concert eux aussi le 23 janvier à Paris à la Maroquinerie. Alors est-ce que ça a été changé ou pas, j'en sais rien. En tout cas, apparemment ça reste la Maroquinerie pour l'instant. Mais c'est pas dit, ça va peut-être changer. Hein. Surveillez bien les salles parce que la maroquinerie est en travaux. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe qui sera également, lui, en concert, mon cher Tom. Il s'agit de... Je n'ai pas le... Escape the Fate. Escape the Fate avec le morceau Broken Heart. J'étais en train d'essayer de regarder pour Cynic, mais tu me prends de court. Je te prends de court. Ouais, tu vas voir, je vais te prendre Toulon tout à l'heure. Ils sont formés en 2004. C'est un quartet de emo metal. Leur album est sorti chez Eleven Seven Music. Sortira plutôt le 16 février prochain. Ouais, c'est non, ça. Non, c'est 14 titres le 16 février prochain. Et le titre I Am Human. Ça, c'est le titre de l'album. Avec le titre Broken Heart. C'est bien le 16 février, Broken Heart. Ça va. Ouais. Ça va bien, Nantes. Ouais. À deux jours près, t'es dedans. On était dedans. Concert. Oui. J'ai oublié de te mettre la date. La salle. Non, tu as mis la date. 23 janvier. 23 janvier. À Paris. À Paris. Puis j'ai oublié de te mettre la salle. Allez. Nos auditeurs. Les auditeurs là. Où joue Escape the Fate? Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? Escape the Fate. C'est grand ou c'est petit ça? De quoi? Moi qui la salle? Non, nous la donne pas, hein, c'est les auditeurs qui vous la donnent. Le groupe. Oui, mais non, c'est un gros groupe quand même. Escape the Fate, ils ont sorti plusieurs albums. Et donc, bon, bah, les auditeurs, vous nous dites dans quelle salle ils jouent le 23 janvier et on va essayer de vous trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir? On doit avoir des trucs là qui traînent par-ci, par-là, ouais, dans ta poubelle. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Vieilles épluchures de, ouais, c'est de fromage. C'est ça. Hein, ouais. Allez, on part en musique et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette formidable émission qu'est le Rock Flow Show. 06 80 01 28 34, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler ou envoyer vous envoyez vos réponses. Us. De retour dans les studios du Rock Folk Show jusqu'à 21h30, c'est-à-dire dans un quart d'heure, ce sera terminé. Fini. Et faut y aller. Et donc, merci à tous les auditeurs qui nous ont dit que les Escape the Fate c'était au Trabendo et ce n'est pas le 23 mais le 26. Ça, par contre, personne ne l'a remarqué. Si, il y en a qui me l'ont dit, c'est le 26. Alors, on a commencé avec Cynic, on a continué avec 36 Crazy Fist. Et nous avons terminé avec Escape the Fate. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Steel Panther, Sleep Panther, pour ceux qui veulent rigoler. All You Can Hit, c'était sorti en 2014, c'était l'album dont est extrait ce titre sur Open Music. Ils seront en concert le 28 janvier à Paris, à l'Olympia. Voilà, on aura peut-être des choses à vous faire gagner la semaine prochaine, on verra. Enfin, si vous êtes sages. Punish Yourself sort un nouvel album qui s'appelle Spin the Pig. Il est déjà sorti hein, parce que c'était au mois de octobre, le 13 octobre exactement. Le morceau que je vous propose ce soir s'appelle Black Sun White Bones, sorti chez V-Records. L'album contient 8 titres, c'est un trio d'électro-indus formé en 1994. Ils nous viennent de Toulouse, comme le chat que j'avais dans la gorge, Toulouse. Pour ceux qui ont vu les Aristochats, bien évidemment, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Concert le 26 janvier, et eux ils seront à Brétigny-sur-Orge dans le 91. Ouais, c'est quoi la salle à Brétigny-sur-Orge? Bah, c'est la salle de Brétigny-sur-Orge. Brétigny c'est tout petit, pas 10 000 salles non plus. Non, mais oh, non, ça suffit maintenant. Bon, débrouillez-vous, trouvez la salle de Brétigny-sur-Orge le 26. Pour aller voir Punish Yourself. D'ici là, peut-être que Tom l'aura trouvé. Nous continuerons avec un autre. Le Rakam. Le Rakam, bah, le rouge. Si je me trompe pas, c'est le Rakam. Le Rakam, d'accord. Nidwind, groupe de la région parisienne, enfin de Paris même, qui nous sort son nouvel album. Ça sera très bientôt puisque c'est le 19 janvier, c'est-à-dire demain. L'album s'appelle Seas of Oblivion. Le morceau s'appelle Skywrath. Ça sort chez Malpermesia. Hein, c'est ça, Record. Putain, c'est dur à oui, dire ça. C'est ça. Malpermesia Record. L'album contient 8 titres. C'est du Black Pagan Viking Metal. Le groupe s'est formé en 2000. Donc, comme je vous l'ai dit, ils nous viennent de Paris. Surtout, ils seront en concert au Kernunos Pagan Fest. Ce sera le 10e numéro, enfin, 10e édition du genre du Kernunos Festival. Ce sera le 24 et le 25 février prochain. Là, c'est pareil, on verra si on a des places à vous faire gagner. Il y a de grandes chances. On vous laisse partir en musique avec ces deux groupes et on se retrouve pour la fin de l'émission juste après. C'est parti, musique, Punish Yourself. de retour dans les studios pour la fin de cette émission. Désolé de vous avoir coupé Nightwind, mais on les retrouvera la semaine prochaine certainement. Je voulais absolument vous dire à la semaine prochaine. Avez-vous laissé surtout avec un nouveau groupe qui s'appelle Room Ahoy, avec le titre Ahoy, tiré de l'album The Triumph of Piracy chez Napalm Records. Ça sortira le 9 septembre prochain. C'est un premier album d'un quintet de pirates metal qui nous vient de Caroline du Nord. Voilà, je voulais absolument partir en fête avec ce groupe. On vous dit à la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur radioquebec.biz, également sur metal-invasion.fr et en podcast sur le site archive.org. Voilà. Et toutes les infos sont dispo sur le Facebook de l'émission. Merci bien, mon cher Tom. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le rock for show. On vous laisse avec Room Ahoy. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Just a bit insane. To my left, it's treasure quest. Cabin boy.